disais, je t'avais bien mis là. Ah ouais? Ouais, c'était crade, hein. C'était bien. J'ai baisé un peu. Ouais, c'est mes deux, voilà. Voilà. Méchant, méchant. T'es revenu comme? Non, c'est bien. J'ai bien. De toute façon, tu connais, hein. C'est pas péton, on est blindé, hein. Frérot, de toute façon, c'est comme ça partout, hein. Il n'y a pas que nous, hein. La moula, moula, la monnaie, et l'argent ça nous a maudit. La moula, moula, la monnaie, je devais sortir de chez moi avant midi. La rue m'a appris de pas faire confiance et de me mêler que de mes affaires. Que je restais à pas faire le piège pour en avoir plus, sans faire plus d'efforts. Travaillant depuis les pas du seum et je fais plus les intrusions en sous. J'ai pas passé tard, Audi 2018, t'es trop fou, l'option tout noir et cafétard. Ne pas se faire péter, gonfler le butin, fini riche, quoi qu'il arrive, même si j'en bute un. 16 heures, je récupère, bâtard, je récupère, et je vais tout arrêter. Que si je suis en perte, que si je suis en perte. La moula, moula, la monnaie, monnaie. L'argent de ce bamoun a pris le dessus, dessus. La moula, moula, la monnaie, monnaie. Si tu montes trop vite, tu te fais descendre. Prends mal, l'être humain est hypocrite. Et ça, ça provoque beaucoup de quiproquos. Donc t'es obligé de montrer que celui qui s'avance, tu l'allumes à la ta. La moula, la monnaie. L'argent de ce bamoun a pris le dessus, dessous. La moula, la monnaie. Si tu montes trop vite, tu te fais descendre. La moula, la monnaie. L'argent de ce bamoun a pris le dessus, dessous. La moula, la monnaie. Si tu montes trop vite, tu te fais descendre. La moula, la monnaie. Je m'y remets, tu me remets un revêt, je la remets, je suis repeint, je suis refait mon refrain. Georges Moulaga des Hauts-de-Seine, tu connais. Je propose la moula affichée au menu, tu reconnais ma tenue, langage est soutenu. Le gang est torse velu, cette villa mes gars l'ont tous voulu. Mes esprits ont Chimbala, Nusha, j'ai Benda, Stenda, je suis réglo, c'est réglé. Viens en Europe, y'a de la drogue et du bénéf, béné, béné, bénéfice. La recul la VG, passe par les PDG, le tarot c'est léger, Versace et DG, Orly ou CDG, je me barre et je me gare juste avant de me faire crever. Petite sœur passe ton bac, ton master ou ton brevet. Je ramasse tous les lovés, les lovés, les lovés. Georges Moulaga, de la moula et de la monnaie. Béné, béné, bénéfice. La moula, la monnaie. L'argent de ce bamoun a pris le dessus, dessous. La moula, la monnaie. Si tu montes trop vite, tu te fais descendre. La moula, la monnaie. L'argent de ce bamoun a pris le dessus, dessous. La moula, la monnaie. Si tu montes trop vite, tu te fais descendre. Eh, c'est enfoiré, bon enfoiré. Eh. Georges Moulaga, de la moula et de la monnaie. Béné, béné, bénéfice.